Ça t'excite né autour de la crise. Y'a qu'une équipe à bord, elle pose des néo-promes. C'est pour les motos. Qui ceux qui ont pas suivi le troupeau, les louveteaux. Vise un quartier entre les chicots si tu louves trop. Vite, attention à pas faire mytho, à qui le crime pro. Vite, quand ta pite se transforme en clito, on a le même pro. Vite, mais certainement pas le même niveau sur fête croco. Deal toujours par haut sur mon bigot, combien de poteaux. Deal au pays du cocorico, y'a pas de poteaux. Demande à mes Renault, à mes bigots, j'viens pour l'auto. Dans les veines du rap, y'a encore de la nitro quand on flotto. Ils proviennent d'une rage quand dégage au micro, aucun chrono. Quand on écoute, y'a un pour écho, même le chrono. Poursuivre des conneries à Nico, parle de promo. Pendant qu'on débite incognito, pas de la tonneau. Quitte à faire des sauts incomico, c'est nos monos. Style avec le passement de Jean Basico pour les momos. Style prêt à déclencher un cyclone. C'est éteint le bordel là. Oh, ramène-moi le kébri là. Putain. Vas-y, range ton jeu, Dracoui. On devient pas des millionnaires en braquant jeu, trois quick. Génération placée, tout, je crois que oui. Pour les rôles sous écrou, compris deux, trois piches. Vas-y, vas-y, vas-y, range ton jeu, Dracoui. On devient pas des gangsters en braquant jeu, trois quick. Génération placée, tout, je crois que oui. Nique l'état qui fait tout pour que s'étouffe la suite. On commence à foutre le spell là où tu t'arrêtes. Allez, coupe une barrette, foutu taré, on se fout du barème. Recruté comme Colin Farrell, les nerfs solides, c'est rêve. Je m'en bats les couilles que Pauline parraine. Découpe des kits, que c'est tout pour le bif. Écoule des kills, découpe les fils et fourre les vides. Verse du sky dans mon lip tonic. Pour nous stopper, faudra plus que la kryptonite. J'suis de ceux qui pourrissent là, ceux qui fournissent l'arme, courtissent l'art. Au lieu de se préserver autour de l'islam, Staphon là, j'ai peine à le dire, mais la haine m'attire. Y'aura pas de pénalty si tu veux qu'elle m'attire. Hoche la tête, pose ta graisse, fauche la caisse. Gros stratège, n'ose pas tèche, j'ai le dos mactem. Gosse la tête, bosse la fraîche, fuck la cesse. On sait ce qui cause la perte chez les pros, Scarface. Vas-y, range ton jeu, Dracoui. On devient pas des millionnaires en braquant jeu, trois quick. Génération placée, tout, je crois que oui. Pour les rôles sous écrou, compris deux, trois piches. Vas-y, vas-y, vas-y, range ton jeu, Dracoui. On devient pas des gangsters en braquant jeu, trois quick. Génération placée, tout, je crois que oui. Nique l'état qui fait tout pour que s'étouffe la suite. À la conquête des pépettes, on perd dans l'ombre ses pépères. Voler dans l'ombre sur le terre-terre, vise les vertèbres pour faire taire. C'est la rage qui nope, qui vient cracher les douilles. Appelle-moi Farage Nikov, viens pas me casser les couilles. À la conquête des pépettes, on perd dans l'ombre ses pépères. Voler dans l'ombre sur le terre-terre, vise les vertèbres pour faire taire. C'est la rage qui nope, qui vient cracher les douilles. Appelle-moi John Ambrosi, viens pas me casser les couilles. Vas-y, range ton jeu, Dracoui. On devient pas des millionnaires en braquant jeu, trois quick. Génération placée, tout. Je crois que oui, pour les rôles sous écrou, compris deux, trois piches. Vas-y, vas-y, vas-y, range ton flow, Dracoui. On devient pas des gangsters en braquant deux, trois quick. Génération placée, tout, je crois que oui. Nique l'état qui fait tout pour que s'étouffe la suite. Ok, ok. Varashnikov, le fléau du bitume. Néochrome, néochrome, néochrome.